Chapitre 4. Un hardi coup de main. Le 10 mars, le général Joffre avait lancé aux soldats de l'armée de Verdun un ordre du jour de remerciement dans lequel il proclamait « L'Allemagne espérait que la prise de Verdun raffermirait le courage de ses alliés et convaincrait les pays neutres de sa supériorité. Elle avait compté sans vous. Vous serez de ceux dont on dira « Ils ont barré aux Allemands la route de Verdun ». Sans doute l'effort des Allemands n'est pas épuisé, mais le monde entier sent d'instinct qu'ils ont perdu la partie. On s'est habitué à voir les Français céder le terrain pied à pied devant les furieux assauts de leurs ennemis, en leur opposant toujours la même résistance meurtrière, terriblement efficace. On sait à présent que si Verdun était pris, cette résistance se poursuivrait sur la ligne de la Meuse et que les Allemands, en dépit de leur victoire, finiraient par perdre à ce jeu en y usant le meilleur de leurs réserves. Cependant, les Allemands s'obstinent. Ils renouvellent sans trêve leurs assauts, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Ils commencent cette succession d'attaques alternées qui a pu passer pour un système. Tantôt ils assiègent le Mortomme et la côte 304 sur la rive gauche, tantôt ils cherchent à emporter Vaux sur la rive droite et à s'insinuer jusqu'au fort de Souville par les bois de la Caillette et du Chapitre. Ils engagent ainsi dans cette bataille acharnée où les régiments fondent. Comme font une cire au souffle d'un brasier, 5 divisions en mars, 5 en avril, 7 en mai, une demi-douzaine en juin. Leurs armées sont soumises à une usure effrayante. Le Kronprinz veut faire devant l'univers figure de glorieux conquérant. Mais si on lui érige jamais une statue, on devra la dresser sur un piédestal d'ossements et de crânes grimaçants. La conception de la bataille subit d'ailleurs chez nos ennemis une curieuse et significative évolution. C'était d'abord une ruée qui se flattait de tout emporter, d'atteindre le cœur de la France. Puis, ce fut une âpre dispute qui devait arracher aux Français, lambeau par lambeau, un territoire convoité. Enfin, quand l'espoir de vaincre échappe au fils du Kaiser, celui-ci cherche à dissimuler son échec en parlant d'une bataille d'usure. Il se vante de nous avoir obligés à jeter dans la fournaise nos dernières réserves, de contrecarrer nos plans, de nous imposer de tels efforts que nous sortirons de l'épreuve saignés à blanc, épuisés, virtuellement vaincus. Il y a là un curieux mélange de présomption et de découragement. Nos adversaires nous croient assez affaiblis pour être prêts à accepter une paix de conciliation. Mais ils ont assez peur de nous pour nous laisser espérer des concessions. Jamais, déclarent-ils, l'Allemagne n'a convoité un lambeau de notre territoire, elle ne songe même pas à nous réclamer une indemnité. Le 20 mars, après de multiples efforts et grâce à l'emploi des liquides enflammés, les Allemands s'emparent des bois de Malancourt et d'Avaucourt, d'où ils menaceront d'encerclement nos positions du Mortomme et de la côte 304. Mais nos batteries et nos mitrailleuses gardent les lisières de ces bois, et quand les bataillons ennemis se risquent en terrain découvert, ils sont impitoyablement fauchés. Dans les deux camps, l'artillerie fait rage. Le bois d'Avaucourt est repris par nous le 29 mars. Le 30 mars, sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi recommence à bombarder nos positions aux abords du fort de Douaumont et dans la région de Vaux. Le 31 mars, il déclenche 2 attaques à gros effectifs. Au cours de la seconde, il réussit à prendre pied dans le village de Vaux, d'où il est chassé le 3 avril. La lutte se poursuit ainsi sur les deux rives de la Meuse, avec des alternatives de calme et de violence. Les Allemands procèdent par ce qu'on a appelé le martèlement de nos positions. Tantôt ils cherchent à briser le front Mortomme-Cumières, tantôt ils s'en prennent à nos positions de la rive droite. Ils gagnent peu à peu du terrain. Pourtant, toute progression sérieuse leur semble désormais interdite. Nos contre-attaques se multiplient. À peine les Allemands, après des assauts forcenés qui leur ont coûté des pertes énormes, se sont-ils arrêtés pour souffler, que nous fonçons sur eux à notre tour. On peut citer pour exemple la reprise par la division Mangin du bois de la Caillette, dans lequel les Allemands avaient réussi à pénétrer le 2 avril. Cette opération locale avait pour but d'améliorer nos positions dans le secteur de Douaumont. Les bataillons d'attaque, avec leurs sections de mitrailleuses, gagnèrent leur position de départ dans la nuit du 2 au 3. Ils durent opérer cette marche de nuit, sous les tirs les plus violents de l'artillerie ennemie, à travers un terrain difficile, très accidenté et bouleversé par les bombardements. Les hommes ne furent en place qu'à 6 heures du matin, après avoir parcouru une 20aine de kilomètres. La charge devait être menée de front par 2 bataillons, celui de gauche ayant pour objectif les tranchées situées immédiatement au sud de Douaumont, celui de droite ayant mission de reprendre le bois de la Caillette. le bois constitua un obstacle des plus difficiles à surmonter. Il était rendu presque impénétrable par les abattis et les ravages que les obus y avaient causés, brisant et déracinant les arbres qui s'enchevêtraient dans leur chute. Arrivés sur la crête, au vu de l'ennemi, nos soldats furent accueillis par de violents barrages d'artillerie et des feux de mitrailleuses. Mais ils franchirent sans hésitation le terrain battu, abordèrent les positions allemandes. Le bataillon de gauche chassa l'ennemi de ses postes avancés, tandis que le bataillon de droite atteignait les abords du bois de la Caillette. Ce fut le moment le plus critique de l'attaque. Nos troupes avaient besoin de souffler, mais l'artillerie ennemie les canonnait sans répit, leur causant de lourdes pertes. Dans les récits des témoins de ces formidables combats de Verdun, qui se livraient sous une avalanche de projectiles, la même expression se retrouve sans cesse, « bataille infernale, enfer de Verdun ». Et vraiment, c'était l'enfer, s'il est entendu qu'en enfer, toutes les horreurs imaginables se trouvent rassemblées. Les nôtres se cramponnaient au terrain bouleversé. Le 4 avril, à 1 h de l'après-midi, les Allemands commencèrent à arroser tout le secteur avec des obus de gros calibre et des obus lacrymogènes. Ils préparaient une riposte. En effet, à 2 h, ils surgissaient de leurs tranchées. Nos mitrailleuses, nos salves d'infanterie, nos tirs de barrage brisèrent instantanément leur élan, ils n'assistèrent pas. Nos hommes, stimulés par ce succès, voulaient repartir en avant. La lutte sous bois se poursuivit pendant la nuit. Mais dans l'obscurité, notre progression était gênée par les plus grandes difficultés. Les liaisons étaient presque impossibles dans le terrain chaotique sur lequel on se battait. On dut finalement interrompre la lutte et attendre le jour. Le 5, nos soldats nettoyèrent systématiquement le bois de la Caillette, tandis que notre artillerie harcelait et aveuglait l'ennemi. À la fin de l'après-midi, nous touchions presque à la lisière nord du bois, que l'on reprenait morceau par morceau. Pendant toute la nuit, pas de répit. On piochait, on creusait, on établissait des barricades, partout on cheminait et on gagnait du terrain. Pour bien comprendre l'héroïsme des vainqueurs, il faut se représenter cette région ravinée et boisée, propice aux pires embûches. La lutte exige une endurance farouche, et le combattant n'a pas même le stimulant de la gloire. Sa bravoure n'est connue que de ses chefs immédiats, de ceux qui sont mêlés avec lui à l'action. La défense du Mortum, sur la rive gauche de la Meuse, peut faire pendant aux épisodes du bois de la Caillette. Le 9 et le 10 avril, cette importante position fut défendue avec ténacité par le 8e et le 16e bataillon de chasseurs et deux bataillons du 151e régiment d'infanterie, qui repoussèrent les plus rudes assauts de l'ennemi en lui infligeant des pertes considérables. Après un bombardement furieux, les Allemands lancent leur première attaque à midi. Le commandant Savornin, des chasseurs, est tué presque au début de l'action. C'est pendant 4 h, un combat d'un acharnement inouï. Précédé d'une vague de grenadiers, les Allemands chargent à la baïonnette. Nos fantassins les attendent dans leurs tranchées, les criblent de balles. La lutte s'achève en un corps à corps sauvage. L'ennemi se replie, mais il ne renonce à la lutte qu'après plusieurs autres assauts non moins violents. Le 8e chasseur, le fameux bataillon de Sidi Ibrahim, est le 9 avril débordé sur ses ailes, presque cerné. Il maintient malgré tout ses positions, sous l'impulsion de son chef le capitaine de Surian. Ce dernier rédige dans la soirée un rapport sur la situation qu'il expédie par un agent de liaison. « On fait son possible pour tenir, » écrit-il. Le moral des hommes, qui sentent toute la gravité de la situation, reste bon. Ils sont résolus à tenir jusqu'à la mort. Et il ajoute, pour que son témoignage ne disparaisse pas avec lui s'il est tué, « Je puis assurer que tout le monde a fait entièrement son devoir. » Le 3 avril, le général Pétain, appelé à une nouvelle mission, avait transmis au général Nivelle le commandement de la 2e armée, celle de Verdun. Nivelle a sous ses ordres Mangin, l'un des plus fervents protagonistes de la méthode offensive. Pour sa prise de commandement, Nivelle proclame que la mission de la 2e armée reste toujours la même, tenir à tout prix en prenant une attitude agressive. Malgré la décision de nos généraux et l'héroïsme de nos soldats, les Allemands devaient remporter encore quelques succès locaux. En mai, ils réussissent à prendre pied sur le Mortum, mais ne parviennent pas toutefois à s'emparer de la côte 300, soumise pourtant à de fantastiques trompes de feu. Le 3, plus de 100 batteries allemandes concentrent leur action sur la côte 304 et ses abords immédiats. Les crêtes semblent transformées en volcans, et au dire des aviateurs chargés de survoler la région ce jour-là, obscurcissent l'atmosphère jusqu'à 800 mètres au-dessus du sol. Toute la nuit, ce feu d'enfer continue, nous causant des pertes sensibles. Les tranchées sont nivelées. Ceux de nos soldats qui échappent au cataclysme n'ont d'autre ressource que de se tapir dans les trous d'obus. Pourtant, lorsque, le 4 mai, à 16h, l'infanterie ennemie essaye d'aborder nos lignes, les tirailleurs encore balides se redressent et repoussent l'adversaire par un suprême effort. Arrêtés devant la côte 304, les Allemands essayent le 5 de pénétrer dans une autre direction. Ils visent le bois Camar et la côte 287. Le bombardement, raconte un capitaine du 66e, commença à 4h du matin. Qu'on essaye de se figurer des pièces de 105, de 150, de 210, faisant, à l'allure du 75, des tirs de barrage. L'abri dans lequel je me trouvais était solidement construit dans un banc de roc, et cependant, il vibrait comme une barque sur un lac agité. Impossible de garder une bougie allumée. Continuellement, les abris s'écroulaient et les hommes étaient ensevelis. Le bois Camar avait encore l'apparence d'un bois le matin, d'un bois tout effeuillé et déchiqueté, mais le soir, il n'y avait plus que l'emplacement d'un bois. Sous une telle avalanche de feu, les soldats qui n'ont pas été tués ou blessés sont pour la plupart désarmés. Les fusils sont brisés par les éclats d'obus, les grenades dispersées ou enfouies, les baïonnettes tordues, presque toutes les mitrailleuses hors d'usage. Mais quand les vagues ennemies, confiantes en la victoire, débouchent à 15h30, les débris de nos compagnies bondissent hors de leurs trous, chargent à la baïonnette, se font des massues des débris de leurs armes, mettent leurs adversaires en déroute. À la fin, la puissance de l'artillerie allemande nous chassera de nos positions les plus avancées. Nous perdons le Mortum, désormais isolé de la côte 304, puis le village de Cumières. L'ennemi, néanmoins, accroché aux pentes nord de la côte 304 et maître du Mortum, ne peut exploiter son succès car nous continuons à lui barrer la route. Sur la rive droite de la Meuse, Nivelle et Mangin avaient formé le projet de reprendre le fort de Douaumont afin de donner de l'air à la défense. Dans un ordre du jour fameux, le général Mangin proclamait « Il n'est point de repos pour les Français tant que le sauvage ennemi foule le sol sacré de la patrie. Point de paix pour le monde tant que le monstre du militarisme prussien n'est pas abattu. Vous marchez sous l'aile de la victoire. » Deux jours durant, le 20 et 21 mai, nous écrasons le fort sous nos projectiles. Dans l'horizon des collines meusiennes, le piton de Douaumont est couronné de fumée jaillissante. Cependant, notre infanterie pousse les préparatifs de l'attaque. Le 22, à 8h du matin, nos avions prennent l'air, attaquent Sid Rahan et les abattent dans les flammes. Ils ont crevé les yeux de l'artillerie allemande. Celle-ci riposte pourtant. C'était au-dessus de nos têtes, dit un officier, un ululement continu tel que jamais on en avait entendu. À 11h50, les nôtres s'élancent. Ils ne composent pas de tableau de bataille. Ils bondissent de trou d'obus en trou d'obus, se couchent, disparaissent, surgissent, tombent et ne se relèvent pas tous. À midi, l'avion de commandement signale qu'une flamme de Bengale brûle sur le fort de Douaumont. Le 129e de ligne a mis 11 minutes pour emporter 3 lignes de tranchées ennemies et atteindre son objectif. La réaction de l'ennemi devait être d'une violence inouïe. Des attaques furieuses alternent avec d'épouvantables bombardements. On se bat dans le fort jour et nuit, le 23 et le 24 mai. Le 25, au prix de pertes énormes, les Allemands parviennent à réoccuper le fort de Douaumont dont nous conservons les abords. Notre résistance étonne et exaspère les Allemands. Le Kronprinz veut absolument finir et d'abord il tient à se venger du camouflet que lui a valu l'annonce prématurée de la prise du fort de Vaux. Le fort de Vaux était déjà durement éprouvé par un bombardement incessant de plus de 3 mois, quand l'attaque en fut résolue au début de juin. Il était entièrement ruiné par les explosions. L'entrée normale était obstruée. Depuis longtemps, la seule issue utilisable était la poterne nord-ouest. Les ravitaillements et les communications se faisaient par là dans des conditions précaires. Le 1er et le 2 juin, les Allemands réussissent à progresser autour du fort et ont rendu impossible l'accès de la poterne. La garnison est privée de communication avec nos lignes. Nos soldats souffrent de la soif, les Allemands aussi du reste. Les barrages d'artillerie isolent les combattants. Même la nuit, il est presque impossible de passer, car durant les heures brèves qui s'écoulent entre le coucher et le lever du soleil, la campagne est constamment illuminée par les fusées éclairantes. Le fort tient pourtant durant 6 longues journées, du 1er au 6 juin. Les Français résistent avec opiniâtreté. L'ennemi a réussi à pénétrer dans la place. Il en occupe la surface, mais les casemates, les souterrains sont encore à nous. Ainsi, pendant quelques jours, il y a deux commandants du fort, l'un allemand au-dessus, l'autre français en dessous. Aux fenêtres, aux ouvertures, derrière un pan de mur effondré, les défenseurs se retranchent, installent des mitrailleuses. Tout ennemi qui se montre à découvert est aussitôt abattu. Les cadavres allemands gisent en véritable grappe. Cependant, les forces de la garnison sont à bout. Le commandant Reynal, l'héroïque défenseur du fort de Vaux, expédie un dernier message. « Nous arrivons aux bornes. Gradés et soldats ont fait leur devoir. Vive la France !» Le matin du 6 juin, quelques blessés français parviennent encore à s'échapper et à ramper vers nos lignes. Dans la journée, l'aviation observe de grosses colonnes de fumée et des explosions. La situation de la garnison devient absolument intenable. L'atmosphère est empestée par les cadavres. La coupole blindée est éventrée par un obus et s'effondre. Dans la nuit du 6 au 7, Nivelle essaye de transmettre au fort par dépêche les félicitations du généralissime à l'héroïque garnison et la promotion de Reynal au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Ces télégrammes ne parviennent pas à destination, mais le second est recueilli par les Allemands. Le matin, la garnison exténuée se rend. Les Allemands communiquent à Reynal, dont l'attitude leur a imposé le respect, la dépêche de Joffre. Après la chute de Vaux, les Allemands tentent un effort suprême pour atteindre Verdun à travers le plateau de Souville. Le 22 et le 23 juin, ils déclenchent une grande offensive, montée avec 19 régiments, contre la côte de Froide-Terre, le village de Fleury et le fort de Souville. Le soir du 22, la région est arrosée par plus de 100 000 obus asphyxiants. L'attaque commence dans la nuit. Elle progresse, atteint le 23 le village de Fleury, au centre. Aborde, à l'ouest, le fort de Froide-Terre, après avoir enlevé la redoute de Thiaumont et pénétré à l'est jusqu'au fort de Souville. Ces succès de nos ennemis, qui nous font envisager à un moment l'éventualité d'un repli sur la rive gauche de la Meuse, ont été achetés si cher que nos adversaires, plus épuisés que nous, sont incapables de fournir le dernier effort qui eût été nécessaire pour vaincre la réaction des nôtres. Nos contre-attaques les arrêtent dès le 25, reprennent le 27 les ruines de Thiaumont et rentrent un moment dans Fleury. Verdun est sauvé, car un nouveau facteur va intervenir dans cette lutte de titans. Le canon français commence à gronder sur la Somme. La grande offensive franco-britannique, prévue pour le 1er juillet, s'engage. Elle exigera des Allemands l'emploi de toutes leurs réserves, qui ne pourront plus désormais être livrées à l'ambition sanguinaire du Kronprinz.